إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا التالي الثاني حول محاضرة الشيخ عبيد حفظه الله تعالى، إتحاف البشر بمنزلة ولي الأمر في ضوء الكتاب وصحيح الخبر. سندخل دوزيام أسيز autour de cette conférence de son éminence Cheikh Obeid Jabiri, Hafidhahullah Ta'ala, la position du gouverneur à la lumière du livre d'Allah et de l'authentique de la Sunna. Wa waqafna 'inda qawlihi Hafidhahullah Ta'ala wa huna wa ha huna masa'il ihdaha أن الذي قضاه الله عز وجل وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يعلم سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي القديم وما كتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ضمن مقاديره قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير ما هو كائن إلا قيام الساعة. أقول يعلم أن ولاة الأمر في المسلمين أقسام. لذي حفظه الله تعالى كنت أسك الله سبحانه وتعالى ذكرتي et a ordonné dans sa révélation, dans ce qu'il a révélé au messager, à son messager alayhi salatu salam, en ce qui concerne le fait d'obéir au gouverneur, d'écouter et d'obéir au gouverneur. Allah subhanahu wa ta'ala sait dans sa science, qui n'a pas dans sa science, qui est une science qui n'a pas été devancée par quoi que ce soit. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe tout, il n'a pas ni début ni de fin, Et dans tout ce qui a été écrit dans la planche protégée, dans la Lawh al-Mahfouz, avant la création des cieux et de la terre, fait partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans ce qui a été écrit et ce qui est dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une science qui n'a pas été devancée par quoi que ce soit, et une science qui est au sens large du terme. Avant 50 000 ans, avant la création des cieux et de la terre, comme il est dans le hadith authentique, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que les gouverneurs vont être de différentes catégories, et qu'ils vont être ce que nous voyons, Et il est dit, il nous rapporte le hadith rapporté par les gens de Sunan, que la première des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, il a créé le crayon. Il lui a dit, écris. Le crayon a dit, qu'est-ce que je vais écrire? Il a dit, ce qui va être, ce qu'il sera jusqu'au jour de la résurrection. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il sait avant la création des cieux et de la terre comment ils vont être les gouverneurs des musulmans et sur quelle position ils vont être ces gouverneurs. Ahaduhum yaqul ya'lamu Allah subhanahu wa ta'ala anna walat al-umur fil muslimina aqsam. Ahaduhum al-barr al-taqi al-'adil alladhi yakhsha Allah subhanahu wa ta'ala fayu'ti kulli haqqin haqqahu ويرضع الظالم وينصف المظلوم لا فرق بين شريف ووضيع وصغير وكبير. الثاني فاسق فاجر ظلوم غشوم عسوف مستأثر. إذ حفظه الله تعالى الله سبحانه وتعالى يسي avant la création des cieux de la terre que ces gouverneurs vont être de différentes catégories. Veuillez voir celui qui est dévoué pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est juste, qui préserve les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui va donner à tout un chacun son droit, et qui va maîtriser, et qui va Ada remettre à sa place celui qui est injuste vis-à-vis des autres, et ainsi de suite. Il va faire la différence entre l'honoré, le vil et le mauvais, etc., entre le grand et le petit, et ainsi de suite. Il dit la deuxième catégorie de gouverneurs, les pervers, ceux qui sont tyrans, ceux qui sont injustes, ceux qui s'accaparent de la fortune qu'ils la prennent pour eux. Wa talit al kafir wali amr. الكافر ولي أمر بلي به المسلمون وهو كافر إما كفرا أصليا كان يكون يهوديا أنصرانيا أو كفر ردة كان يكون أصل ديانته مسلما لكنه ركب ما يوجب ردته وينقله عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر كل ذلك قد علمه الله سبحانه وتعالى وكتبه عنده في اللوح المحفوظ il dit عبد الله تعالى et la troisième catégorie ça va être le mécréant le gouverneur mécréant. Soit c'est un mécréant à l'origine, il est juif, il est chrétien, et les musulmans sont éprouvés par son pouvoir, ils sont dans son pays, ils sont gouvernés par ce mécréant, ou alors un mécréant qui a apostasie, c'est-à-dire il était musulman mais il a apostasie, avec des actes qui ont prévalu son apostat, et qui l'ont sorti de l'islam pour qu'il devienne mécréant. Et tout ceci est su par Allah, tout ceci Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. D'une science avec une science qui n'a pas été devancée par l'ignorance, une science au sens large du terme, et tout ceci est écrit dans l'Allah al-Mahfoud. Et il dit, Hafidhahu Allah ta'ala, fais mal mawqif, ma mawqif ou le muslim. Il dit maintenant, c'est quoi la position? C'est quoi la position du musulman? C'est quoi la position du musulman? À quel niveau? Vis-à-vis de ses gouverneurs, et de ces trois catégories de gouverneurs. Il dit, الأول مع السمع والطاعة يحب ويعان ويناصر ديانة. Dit maintenant la position du musulman avec le premier qui est juste, etc. Mais celui-là, il faut l'écouter. Ce gouverneur-là, il faut l'écouter. Il faut lui obéir. Il faut l'aider. Il faut le faire triompher. Et ceci, par religion. C'est-à-dire, quand tu le fais, tu attends la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu le fais en te disant je suis soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et je mets en application l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cet acte-là. Et comme c'est un acte d'adoration, tu as besoin de ramener les conditions, la sincérité et le suivi. Tu dois être sincère dans ce que tu fais et tu dois être aussi conforme à la sunna. Wa tani qad yubghad wa yu'an idha khushiya ala zawali ad-dawlati wa sayrurati al-amr ila aswa wa la yajuz al-khuruj alayhi abadan lima sami'tum min al-ahadith allati istaghnayna biha 'amma huwa fi ma'naha mimma la yuhsa min sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dit le deuxième, la deuxième catégorie qui est le pervers, qui est l'injuste, qui est celui qui s'est accaparé de la fortune. Il dit quand on a peur que l'État ça devient de l'anarchie, etc., on l'aide. Quand on a peur que la situation, si on se révolte contre lui, on essaye de le changer, ça va devenir pire, il va y avoir encore plus d'anarchie, etc. Dans ces cas-là, on l'aide, il n'est pas permis de se révolter contre lui. Et tout ceci est prouvé par les hadiths que vous avez entendus, c'est-à-dire les hadiths que nous avons entendus au début de la conférence. Et les hadiths qui vont dans ce sens-là, qui sont dans la sunna du prophète, alayhi wa sallam. يقول ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه من حديث طويل أصله متفق عليه اسمع وأطع وإن أخاد مالك وضرب ظهرك فمن ضعفه ليس عنده مستند إلا الرأي المحض والقياس الفاسد مجارة أهواء الهمج الرعاع من الناس وهكذا حينما يتخلى أو يتنازل من ينتسب إلى علم الشرع عما رزقه الله سبحانه وتعالى من العلم فيدع ما أخذ الله عليه من الميثاق وقد دلت عليه الآية التي ذكرنا في سبب الحديث في هذا الموضوع يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et il dit, ce qui confirme ça aussi, c'est la parole du messager عليه الصلاة والسلام rapporté par l'imam muslim de Hudayfa radiyallahu anhu dans un grand hadith. Et l'origine de ce hadith se trouve dans les authentiques chez l'imam Bukhari ou chez l'imam muslim, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit écoute et obéit, même s'il prend ton argent, même s'il te frappe. Hein? S'il te donne des coups de fouet sur le dos, tu dois écouter et obéir. Et il y a des gens, comme dit Cheikh ici, qui ont rendu ce hadith faible. Mais ceux-là qui l'ont rendu faible, ils ne l'ont pas rendu avec les preuves. Ils l'ont rendu tout simplement par leur opinion, qui n'est pas conforme à la sunna, et par la fausse analogie. Et tout ça pour aller de pair et pour caresser le commun des musulmans dans le sens du poil. Il dit, si ainsi, c'est ce qui arrive contre les hommes de science et ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la science, hein, ne remplissent pas leurs devoirs et délaissent le pacte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris sur eux, comme il est prouvé avec le verset qui nous a cité auparavant concernant ce hadith, dit quand ces gens-là agissent ainsi, délaissent le pacte, etc., comme il dit dans le verset, ils remettent quoi en question? Ils remettent la sunna du prophète alayhi salam en question. يقول أما الثالث الذي هو الكافر وهذا في حديث عبادة المتقدم ولا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان هذا الحديث فيه دليل على خلع الحاكم الكافر ولكن بشروط. Il dit quant au troisième, la troisième catégorie de gouverneurs qui sont les gouverneurs mécréants. Il dit dans le hadith de عبادة بن الصامت que nous avons cité au début de la conférence, elle dit il ne faut pas qu'on concurrence les gouverneurs sur leur poste, sauf si on voit une mécréance claire, laquelle nous avons une preuve, in Allah Azza wa Jalla. Mais encore une fois, j'ouvre la parenthèse, je dis, ce n'est pas les minus comme nous, ni nous autres les communs, qui devons déclarer la mécréance d'un gouverneur. Abadan. Ça, c'est le domaine des hommes de science. Nous devons rester à nos places. Il dit, ce hadith est une preuve claire comme quoi il faut enlever, mettre de côté le gouverneur mécréant. Mais avec des conditions. Hein? يقول معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات الشرط الأول ظهور الكفر ووضوحه وصراحته. La première condition c'est que la mécréance soit claire. Hein? Il soit clair comme le soleil en plein zénith. Et ceci, le commun ne sait pas le faire. Ça c'est le domaine des hommes de science qui doivent décréter cette mécréance claire. Des fois, le commun il dit ça c'est une mécréance, mais en réalité c'est une ambiguïté, ça ne l'est pas du tout. C'est pas une mécréance qui fait sortir de l'islam. Donc, agissons ainsi, le commun, qu'est-ce qu'il fait? Et les petits demandeurs de science, etc., ou ceux qui n'ont même pas encore commencé à demander la science, vivement, ils ramènent la pagaille. Ils s'immiscent dans un domaine qui n'est pas le leur. Et dans ces cas-là, le châtiment sur Allah subhanahu wa ta'ala est énorme. يقول والشرط الثاني الدليل القطعي الذي لا يقبل التأويل على أن حاكم قطر كذا من أقطار المسلمين كافر مرتد. Il dit deuxièmement la condition irréfutable, la preuve irréfutable qui ne, il y a pas de place à une autre interprétation ou à une fausse interprétation ou à une autre interprétation à la situation, comme quoi le gouverneur de tel pays est un apostat, il a mécru. Il faut une preuve claire et nette, laquelle, dans les actes et dans les dires qu'il a dit, il n'y a aucune signification autre que la signification de la mécréance. Et encore une fois, ça ne savent le déchiffrer que les hommes de science, dignes du nom. الشرط الثالث القدرة على إزالته وخلعه وذلك بأن تكون لدى أهل الإسلام قوة تساوي قوته أو تزيد عليها. فإن لم تكن عندهم قوة عزل فإن الدائرة تدور عليهم تسفك دماء وتزهق أنفس المعصومة وتتلف أموال محترمة. La troisième condition c'est qu'ils aient le pouvoir et la puissance pour pouvoir enlever ce gouverneur sans créer d'anarchie, sans qu'il y ait le sang qui coule. C'est-à-dire que ceux qui veulent, les gens de l'islam qui veulent l'enlever, il faut qu'ils aient la puissance équivalente à celle qu'il a ce gouverneur, ou sinon plus, qu'avec laquelle ils vont vaincre ce gouverneur. Hein? Et parce que s'ils n'ont pas de puissance et pas la capacité, la situation va se tourner contre eux, ils vont être exterminés. Et le sang des innocents va se faire couler. et hein, des âmes qui sont protégées par la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, vont être assassinées pour rien. Et les gens vont mourir pour rien. Hein, et beaucoup de fortunes, le bien public, le bien privé, va être lapidé. Il y aura du gaspillage, de l'anarchie et de l'insécurité. الشرط الأخير أن يتمكنوا من دفع مفسدة بعد إزالته والمعنى قدرتهم على تنصيب من هو خير منه مسلم وهو خير منه للعباد والبلاد فإذا لم تتوفر هذه الشروط فليبقوا تحت ولايته ولا يحبونه ويبغضونه في الله لكن لا يتعرضون لمواجهته فإن المسلم الفاسق مهما يكن لو قهر الخارجين عليه تكون فيه رحمة وشفقة أما الكافر فإنه منزوع الرحمة والشفقة على أهل الإسلام فلا يرقب فيهم إلا ولا ذمة Il dit la dernière condition, c'est qu'il soit capable de repousser son mal en l'enlevant et qu'ils aient la capacité et la possibilité de mettre quelqu'un mieux que lui, de mettre un musulman à sa place. Hein, qui est bien, qui sera bien pour les gens et pour le pays. Et si ces conditions ne sont pas réunies, ils doivent rester sous sa tutelle et détester cet homme, hein, le détester pour Allah et ne pas l'aimer pour Allah. Au lieu de le concurrencer, de lui faire face, il vaut mieux qu'il se, qu'il reste. Hein. Car, il dit, car le musulman pervers, malgré l'injustice qu'il va faire subir aux gens, il aura toujours une clémence pour ses populations. Quant au mécréant, il n'a pas de clémence ni de pitié pour les gens de l'islam. Hein? Il n'y a rien. Le mécréant, lui, il voit rien du tout. Il dit « Wa khatimatu hadhihi al-kalima huwa al-kalam fi al-mudaharat wa qad yusammunaha al-thawarat » Il dit en conclusion de ce sujet, il dit c'est le fait de parler sur les manifestations. Il dit il les appelle aussi les révolutions. Et on va parler sur ces manifestations par plusieurs points. Le wajh al-awwal fi nash'atiha. Mata dhaharat al-thawra mimman yantasibu ila al-islam ala al-amir al-muslim ou ala al-imam al-muslim. Inna awwala من رفع عقيرته واصفا الحاكم بالظلم من أجل أمر دنيوي فات عليه من هو رحمك الله دي la naissance de ces révolutions quand est-ce qu'ils sont apparus chez ceux qui sont chez les musulmans quand est-ce qu'est apparue la révolte contre le gouverneur le premier qui a élevé l'étendard de cette révolution dans le monde musulman et qui a dit en face du gouverneur tu es injuste il l'a fait pour un truc de ce bas monde pour un bien de ce bas monde qui est cet homme là quelqu'un le sait Dhul Khuwaysira At-Tamimi Thara fi wajhi akram al-khalq wa ashraf al-khalq Muhammad alayhi salatu wassalam. Le premier qui l'a fait dans le monde musulman, c'est Dhul Khuwaysira, l'ancêtre des Khawarij, l'ancêtre des révoltés dans cette communauté. Cet homme qui est Dhul Khuwaysira al-Tamimi, s'est révolté en pleine figure du messager alayhi salatu wassalam. Direct. Wa sababu dhalik, anna Ali radiyallahu anhu, ba'ata ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, bimalin ghanimata khumsi al-ghanima, بما الغنيمة أي خمس الغنيمة وكان رضي الله عنه أميرا على اليمن قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أربعة من صناديد العرب وأنه الأقرع بن حابس فتغضبت قريش والأنصار رضي الله عنهم فقالوا يعطي صناديد نجد ويدعنا فقال صلى الله عليه وسلم إنما أتألفهم فسكنوا وانقادوا لما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا أن الله أراه ذلك إنه متقرر عندهم وجوب الانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الرابط بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إمامهم، هو خيارهم وخيار الناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فعلموا أن هذا مما أوحاه الله إليه. وأما الشقي الغشوم ذو الخويصرة التميمي قال: اعدل يا محمد. وفي رواية: والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. إيه لا كوز دو سوسي دو سيت ريفولت لو فيت كو ذو الخويصرة سي لوفي دوفون بروت عليه الصلاة والسلام سي كو علي qui était le représentant du prophète alayhi salam sur le Yémen, il était l'émir du prophète alayhi salam sur le Yémen, il a envoyé au prophète alayhi salam un butin, le cinquième du butin. Rasoul salam, quand il a reçu ce butin, il l'a partagé entre quatre têtes des Arabes. Il fait partie de cette tête, l'Aqra ibn Habis. Les Quraishites qui étaient en face, et l'Ansar qui étaient les habitants de Médine, se sont dit: il donne aux têtes de Najd, il ne laisse. Ils étaient nouveaux dans l'islam. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout simplement, je radoucis leur cœur et je les rallie à moi. Les Quraishites ainsi que l'Ansar ont accepté. Et ils ont trouvé la quiétude dans la parole de ce qu'a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ils ont su. Allah subhanahu wa ta'ala a orienté dans cette situation parce qu'il est confirmé pour eux qu'il est obligatoire de se conformer à la voix du messager alayhi salatu wassalam. Et est-ce que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala? Et que la liaison qu'il y a entre eux et le messager d'Allah azza wa jal, c'est qu'il est leur gouverneur, leur imam. Il est le meilleur et le meilleur de l'humanité. Comme il a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam: je suis le plus noble de la descendance d'Adam, il n'y a aucune fierté à avoir. Et donc, ils ont su, ses nobles compagnons ont su, que ce qu'il a fait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé d'agir ainsi. Quant au malheureux d'Al Khouaïzira, Tamimi, il a dit: sois juste à Muhammad. Donc, il s'est révolté contre la. Ah, le prophète, il lui dit: sois juste à Muhammad. Dans une version par Allah, ce partage n'a pas été voulu avec le visage d'Allah. Comme ça, il a traité le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est l'ancêtre des Khawarij. Hein? Quand l'ancêtre s'est levé devant le prophète, qu'est-ce que vous croyez que ceux qui ont pris la voie de lui, ils vont faire quoi? Ah, on a vu ce qu'ils ont fait par la suite. Ils vont respecter quelqu'un d'autre? Subhanallah, leur ancêtre n'a pas respecté le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Taniyan, As-Saba'iyya, Ashabu Abdullah ibn Saba' al-Yahudi, min al-Yaman, alladhi aslama nifaqan wa kaydan ala ahli l'islam. Ma sana'a dhalikum al-rajul wa ashabuh, kanu yajma'una akhta' ulat Uthman, radiyallahu anhu. ويهولونها ويضخمونها في الناس بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما انتهى أمر عدو الله إلا بقتل الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنه. La deuxième cause, les deuxièmes qui ont levé, qui ont fait apparaître la révolte dans l'islam, c'est les disciples d'Abdullah ibn Saba', ce qu'on appelle Saba'iyya. Ce juif du Yémen qui s'est converti dans l'islam, qui est rentré dans l'islam par hypocrisie, et pour ramener le trouble dans la communauté musulmane, cet homme, qu'est-ce qu'il a fait ainsi que c'est ceux qui l'ont accompagné? Il réunissait les erreurs des représentants de Uthman, dans les différentes provinces, en Irak, en Égypte, etc. Uthman, le gouverneur des musulmans, à Médine dans sa capitale, et il a des représentants à travers le monde musulman connu à cette époque. Et donc, comment, qu'est-ce qu'il faisait dans différentes régions? Il réunissait les erreurs que commettaient les représentants de Uthman ibn Affan. Mais ils ne se sont pas arrêtés à ça. Ces erreurs, ils les gonflaient. Ils les gonflaient, ils les propageaient entre les gens, et ils se levaient au milieu des gens, prétextant qu'ils sont en train d'ordonner le bien et de blâmer le mal. Hein? Mais ils ne le faisaient pas comme il se doit. Hein? C'est pour ça que lui, l'une des règles qu'il leur a dit, il a dit, montrez aux gens que vous blâmez le mal et que vous ordonnez le bien, les gens vont être avec vous. Donc ils ont agi ainsi. Et ils n'étaient pas conformes à la sunna, donc la façon de faire. La situation de cet ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ses alliés, s'est terminée avec quoi? Avec l'assassinat de Dhun Nurayn, radiyallahu anhu wa arda, le troisième khalif de cette communauté. Ça, ce sont les premiers qui ont crié les révoltes dans le monde musulman. Regarde l'origine. La première origine devant le prophète alayhi salatu wasalam, c'est l'ancêtre par excellence des Khawarij. La deuxième, c'est un juif, Abdullah ibn Saba, avec son groupe Saba'iyya. فكل ثائر على أهل الإسلام وعلى ولاة أمور الإسلام سلفه السبائية وذو الخويصر التميمي. Et donc, tout révolté contre les gens de l'islam et contre les gouverneurs musulmans, leurs aïeuls, c'est qui? Leurs mauvais aïeuls, c'est qui? Sabaïya et Dhul Khuwaysira. Abdullah ibn Saba et son groupe, ainsi que Dhul Khuwaysira. تميمي ومطلب هؤلاء وذاك هو مطلب دنيوي الى دوموند لا ريشيرش دو سولا اي دو الخويصرا سي ان بوت دو سو با موند ils l'ont fait pourquoi pour le bas monde tout simplement des deux côtés ils ont agi pour le bas monde وإلا فعدو الله يعلم أن عثمان رضي الله عنه مجمع على خلافته من أهل الحل والعقد من المسلمين من الصحابة ثم تبعهم سائر الصحابة والتابعون ثم تتابع الخوارج اي مي سون سا لينمي دالله هذا عبد الله بن سبا il sait que عثمان بن عفان il y a eu l'unanimité sur la khilafa de Uthman ibn Affan. Parmi les hommes de science, parmi les nobles compagnons du prophète alayhi salam, et parmi les spécialistes de toutes les situations qui soient, ceux qui s'occupent des commerces, ceux qui à tous les niveaux, ils étaient unanimes. Et les compagnons unanimes sur la khilafa de Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala. Et ceux qui ont suivi tous les autres compagnons, radiyallahu ta'ala, ils savaient que la khilafa de Uthman ibn Affan est une khilafa légiféré, une khilafa qui a eu le consensus des nobles compagnons de Allah. Et donc, après ces Saba'iyya et de l'Khouaïsra, les Khawarij n'ont cessé d'apparaître dans la communauté jusqu'au jour d'aujourd'hui. Taniyan, amr tani fi hadi al-mas'ala, mas'alat al-mudaharat. Man talaqqafaha ou man sawaghaha wa rawajaha. Il dit, concernant maintenant le deuxième point, concernant ces manifestations, qui les a accueillis à bras ouverts et qui les a propagés? Il dit, حسب علمي الرافضة الرافضة هم من سلالة أصحاب ابن سبا اليهودي. Il est premier, selon la science de Cheikh Ubayd Hafidhahullah, il dit, les premiers qui ont accueilli tout ça, ce sont الرافضة, qui sont de la descendance d'Abdullah ibn Saba le juif. C'est l'un de leurs grands ancêtres, Abdullah ibn Saba. الثاني من عوامل رواجها وتسويغها رعاع الناس وهمجهم الذين لا يرون السمع والطاعة للإمام إلا من خلال المطالب الدنيوية والمصالح النفعية وهؤلاء يستندون إلى منتسبين إلى العلم الشرعي فقد شوهد بعضهم وهو يحمس المتظاهرين ويشجعهم بخطبة في ميادين قطر قطر إسلامي في ميادين قطر إسلامي الجيل الدوزيام. Le deuxième point qui a fait que ces manifestations soient propagées et qu'elles soient des choses normales pour les musulmans. Ce sont le commun des musulmans, eux, ils prennent tout ce qui vient. Et c'est comme un des musulmans qui ne voit pas d'obéir son gouverneur et qui ne voit pas qu'il est obligatoire d'écouter et d'obéir aux musulmans, aux gouverneurs. Et qui ont des demandes. Ils leur demandent tout simplement des choses de ce bas monde et du point de vue bénéfique de ce bas monde. Voilà ce qu'ils cherchent. Et ils s'appuient aussi sur certains nombres de sciences qui a été vu, hein, exciter les révoltés et les encourager par une khutba dans l'un des terrains de ces révoltes, de cette révolution dans l'un des pays du musulman. Regardez la sagesse du cheikh, hein, du cheikh Obeid. La conférence était au téléphone avec les salafis de Qatar, hein, d'accord. Et pour ne pas, alaykoum salam wa rahmatullah, pour ne pas, hein, exciter les autorités ni les alliés de Qardaoui qui étaient dans la, c'est le mufti de Qatar et c'est, hein, l'homme de science de la télévision qatarienne, il a dit, il ne l'a pas cité, il a dit tout simplement, on a vu un des hommes qui ont, hein, de la science, etc., exciter et encourager ces gens par une khutba sur le terrain, hein, des révolutions dans un pays islamique. Sans citer ni où ça se passait en Égypte, ni citer, hein, comme ça. Ça, c'est la sagesse des hommes de science. Al-Talita wal-Rabi'a. Al-Bu'ut. Fakatir min afradi al-Ba'athat. Wafadu ila douwalin gharbiya, kafira ou sharqiya. إلى أوروبا أو أمريكا أو روسيا ظنوا ولاة أمرهم أنهم يعودون إليهم بعلوم تحتاجها الأمة كالطب والهندسة والرياضيات والكيمياء وعلم الجيولوجيا وغيرها فعادوا مغسول الأدمغة من الدين منحرفين سيطر عليهم هؤلاء فمسخوهم مسخوا أفكارهم حتى صاروا حربا على دولهم. Et la troisième cause du fait que ces révolutions se propagent dans le monde musulman, c'est les bourses. Les étudiants et les délégations que les pays musulmans ont envoyés dans le monde occidental et même dans le monde de l'Est, dans, hein, vers l'Union soviétique, etc. Les gouvernements les ont envoyés et leur attribuent une bourse. Ils ont envoyé ces étudiants et ces délégations, hein, en Amérique, en Europe, en Union soviétique, un petit peu partout, parce que les gouverneurs croyaient que ces gens-là, ils vont revenir avec des sciences qu'il n'y a pas dans les pays de l'islam. Ils vont revenir avec des choses dont la communauté musulmane a besoin, comme la médecine, hein, et tous les autres domaines, hein, à tous les niveaux, au niveau de la chimie, au niveau de la géologie, la géologie. Subhanallah. Et toutes sortes de sciences dont la communauté a besoin. Mais ceux-là, ils sont revenus après qu'on leur a fait un lavage du cerveau. On les a reformatés d'une autre façon. Ils sont revenus vides de religion, ayant dévié de la voie. Hein? Les autres, avec leurs idées, se sont accaparés de leur esprit. Ils ont dénaturé leur personnalité et leur pensée. Ils sont, et ces gens-là, qu'on voulait qu'ils soient formés en Occident et en Union soviétique, quand ils sont revenus, sont devenus les ennemis de leur pays. Avec ce qu'ils propagent dans le pays, ceci, il est clair et net. Quand ils voient tous ceux qui sont à la tête des révoltés, etc., quand ils voient leur dire, etc., et quand tu regardes leur biographie, tu vois que beaucoup ont passé à un moment donné dans. وهؤلاء يقول الشيخ وهؤلاء وأمثالهم حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم فيما صح عنه به النقل بل متفق عليه ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فذكر الحديث فقال ورجل بايع إماما إنما يبايعه من أجل الدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطي يعطي لم يوفي له، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هؤلاء مطالبهم دنيوية مصلحية فقط، ويدل لذلك شعاراتهم المرفوعة، فهي شعارات كفرية ضالة مضلة، ومنها الديمقراطية، رأي الشعب، رأي الشارع إلى غير ذلك. نريد حكما مدنيا، هذه الشعارات كذلك منها نريد حكما دستوريا. إلدي حفظه الله تعالى السلاء إلو إكزامبل توس كلا سيتي ها. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux qui se révoltent, comme ceux-là qui nous a cités, etc., et tous ceux qui se trouvent là, hein, sur le terrain de la révolte, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre eux. Il nous a été transmis authentiquement de notre messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith, il est dans chez le Bukhari ou chez l'imam muslim. D'Abi Hurayra radiallahu ta'ala anhu arda, qui a dit, trois, ne pose pas de questions sur eux le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala ne les purifiera pas. Et ils auront un énorme châtiment. C'est-à-dire, ne pose pas de questions dans la situation dans laquelle ils vont, dans l'énorme situation dans laquelle ils vont être. Leur situation critique. Il cite le hadith. Il y a un homme qui a fait l'allégeance à son gouverneur. Et il lui a fait l'allégeance tout simplement pour les choses de ce bas monde. S'il lui donne, il accomplit l'allégeance. S'il lui donne pas, il lui oublie pas. Il se révolte contre lui. Il accomplit pas le pacte. Et il a dit vrai, alayhi salatu wassalam. Parce que tous ceux-là qui sont sur le terrain de la révolte, hein, leur demande c'est quoi? La religion? Eh ben non, on ne l'a pas entendu. Des intérêts de ce bas monde, tout simplement. Tous les emblèmes et toutes les paroles et tous les cris, hein, ce ne sont que des emblèmes de la mécréance, des devises de la mécréance qui ont été levées, de l'égarement total. La démocratie, l'opinion publique, l'opinion de la rue, nous voulons un état civil, c'est-à-dire pas religieux, des emblèmes. Nous voulons que nous soyons jugés par une constitution, et ainsi de suite. يقول ولهذا فإن من مطالبهم تعديل الدستور ومن مطالبهم إقالة الحكومة ومنهم من يقول رئيس مجلس الوزراء وحكومته. C'est pour ça il dit que parmi leurs demandes, les demandes de ceux qui se sont révoltés, c'est réformer la constitution, la réformer comme eux ils veulent, pour qu'il va dans leurs intérêts. Et parmi leurs demandes aussi, hein, faire sortir tout ce qu'il y a dans le gouvernement, allez, mettre de côté tout ce qui se trouve, hein, tout, hein, les ministres, il faut tout mettre de côté. Il y a certains qui disent aussi mettre de côté le président de la République ou le président des ministres et son état en entier, tout mettre à la poubelle, tous, hein. وحاصل القول أن الحامل على هذه على المظاهرات التي يسمونها ثورات هذه مطالب دنيوية وشعارات جاهلية نتيجة القياس الفاسد والعقل الضال. Il dit le résultat, c'est que ce qui pousse à ces révoltes, il y a ces manifestations qu'ils appellent des révoltes, ce ne sont que des demandes de ce bas monde et des devises de la période pré-islamique. Et ceci est causé par la mauvaise analogie et par la raison égarée. يقول ومن القواعد المقررة عند أهل الإسلام أن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول يعني العقول السليمة ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول. فيجب إذن التسليم لما تقرر شرعا بآية من كتاب الله أو سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي فيرمي في partie des choses qui sont confirmées chez les gens de l'islam, c'est-à-dire chez les hommes de science, que la législation ne ramène pas quelque chose que la raison va trouver impossible. Dans la législation, il n'y a pas quelque chose, la raison va dire, ceci est impossible. Mais ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de la raison saine, qui n'est pas altérée par les influences occidentales, par les idées des Khawarij, et ainsi de suite. Mais la législation, dans la législation, il y a des choses, des fois, devant laquelle la raison reste ibahi, bouche bée. Voilà. Mais il n'y a rien qui est dicté et qui est énoncé dans la législation où la raison saine va dire ceci est impossible. Mais des fois, la raison saine va se trouver ibahi dans certaines choses recommandées par la législation. Il dit dans ces cas-là, fayajibu idan taslim lima. Dans ces cas-là, il faut se soumettre à ce qui a été confirmé, demandé par la législation dans les versets et dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Wa ha huna su'al yaqulu hafidhahu Allah wa matta'a bih wa 'afahu wa shafahu wa atala 'umrahu fi ta'ati Allah. ماذا يصنع من ظلم مظلمة لا يستطيع الصبر عليها في حينه. Il dit ici, il y a deux questions qui se posent. Que doit faire celui sur lequel on a commis une injustice, sur laquelle il ne peut pas patienter au moment où on a commis l'injustice sur lui. يقول وأن والجواب أنه يشكو رئيسه المباشر أو أمير منطقته أو بلدته إلى من فوقه فإن أنصفه فبها ونعمت وإلا رفع الأمر وتدرج حتى يصل إلى الحاكم العام وهو أمير هو أمير وفي عهدنا اليوم هو أمير قطري سواء سمي الملك أو رئيس الجمهورية أو أمير الدولة أو غير ذلك من الأسماء الأسماء فإن وجد نصرة كان بها وإلا صبر واحتسب وعند الله سبحانه وتعالى ما هو خير وأبقى وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه والذي نفسي بيده أو قال والذي والله الذي لا إله غيره إنما تكرهون في الاجتماع خير مما تحبون في الفرقة. Il dit, la première, la réponse c'est que il doit. Maintenant, il subit une injustice de la part d'un préfet d'une région que le gouverneur ramène serein. Hein? Il doit se plaindre à celui qui est son supérieur. S'il lui donne son droit, l'affaire est réglée. Maintenant, il n'a pas eu son droit. Ben, il est voulu dans la plainte au plus grand jusqu'à arriver au gouverneur général du pays, c'est-à-dire le roi, ou le président, ou le prince des croyants, etc., selon un. C'est-à-dire celui qui a les rênes de tout un pays, qu'on l'appelle comme on veut, qu'il soit roi, qu'il soit président de la République, ou prince des croyants, ou autre, parmi les noms qui sont donnés. S'il le fait triompher, il lui donne son droit, c'est bien. S'il ne lui donne pas, il patiente et il endure. Il attend la récompense min Allah Azza wa Jal, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il va trouver mieux. Et ce qui va être éternel pour lui. Hein? Il dit, quelle est belle la parole qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit pas, celui qui tient mon âme entre ses mains. Ou alors il aurait dit, par celui qui est le seul digne d'être adoré. Ce que vous détestez dans l'union est mieux que ce que vous aimez dans la division. C'est-à-dire, ce que vous détestez dans le fait d'être unis sous un gouverneur est mieux que ce que vous cherchez, ce que vous aimez dans le fait de se révolter contre lui et se diviser. As-su'al al-thani. Mada yasna'u ahlu al-fadli hinama yatajawazu al-hakimu dhulman wa usfan wa turkabu umur munkara. منه أو من نوابه أو يفشو فساد في دولته. Il dit la deuxième question. Que doivent faire les gens du bien, les vertueux, les hommes de science, quand le gouverneur dépasse ses limites, l'injustice, etc. Que ce soit de lui-même directeur du gouverneur qui est le président, ou là qui est le roi, ou là qui est, ou alors de ses représentants dans différentes régions. Et quand le mal se propage dans le pays, Que doivent faire les hommes de science et les gens de vertu et les gens de bien? Ils doivent faire quoi? Jawab. An-nasihatu sirran hatta an aqrab an-nas ilayhi in amkan. ودليل ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لدي سلطان فلا يبديه علانية يعني النصح وليخلو به وليأخذ بيده فإن قبلها قبلها وإلا كان قد أدى ما عليه فهذا الحديث يا ذوي الحجاء يا أولي الأحلام والنهى من المسلمين والمسلمات فيه فوائد يجب أن يعقلها من كان طالبا للحق قاصدا اتباع سبيل المؤمنين. La réponse à la question que doivent faire les hommes de science et les vertueux, etc. Ils doivent prodiguer le conseil au gouvernement, au gouverneur ou là ses représentants en secret. Et s'ils ne peuvent pas, ils passent par les plus proches de ce gouverneur pour que la situation arrive à ses oreilles. La preuve de ceci, il est dans ce qu'il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut conseiller un gouverneur ou celui qui a un pouvoir, qu'il ne le fait pas en public. C'est-à-dire quand il veut prodiguer le conseil, il ne doit pas le faire en public. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, il faut qu'il soit en privé avec lui et qu'il le prend dans la main et il lui conseille. S'il accepte de lui, c'est bon. S'il n'accepte pas de lui, cette personne qui a prodigué le conseil a rempli son devoir. Et ça s'arrête là. Il cherche de nous dire ce hadith aux gens qui cherchaient la preuve, aux gens doués de raison et de sagesse. Parmi les musulmans et les musulmanes, dans ce hadith, il y a beaucoup de points à retenir. Et tout un chacun qui cherche la vérité doit demander et doit comprendre ces points à retenir dans ce hadith. S'il fait partie de ceux qui demandent la vérité, et qui veulent suivre le chemin des croyants. Et qui veulent suivre le chemin de leur plusieurs, wallah. Il dit, الفائدة الأولى السرية التامة في مناصحة الحاكم. Le premier point à retenir, le fait d'être discret, et que le conseil doit se faire en secret, complètement, avec le gouverneur, tête à tête. Le premier point à retenir. الفائدة الثانية أن نصيحة الحاكم على هذا الوجه الذي تضمنه الحديث تبرأ التبعية بها. Le deuxième point à retenir, c'est le fait d'agir ainsi dans le conseil, de le faire en privé avec le roi ou avec le président, main dans la main. La personne aura rempli, s'est acquittée de son devoir. الفائدة الثالثة أنه لا سبيل آخر يُسْلَكُ فِي نُصْحِ الْحُكَّامِ غَيْرَ مَا تَضَمَّنَهُ الْحَدِيثِ. Troisième point à retenir, il n'y a pas un autre chemin pour conseiller le gouverneur sauf le chemin qui est énoncé dans le hadith. وَلَوْ كَانَ تَمَّتَ سَبِيلٌ آخَرَ لَبَيَّنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَوْ نُقِلَ عَنْهُ وَلَوْ نُقِلَ عَنْهُ وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ أَحْمَدْ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَّةِ صحيح بمجموع طرقه. Il dit, s'il y avait un autre chemin, une autre voie pour conseiller le gouverneur, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'aurait annoncé. Il aurait été transmis à nous. Et il dit, ce hadith, il est authentique, il est rapporté par l'imam Ahmad et par Ibn Abi Asim dans Sunnah, le hadith par ces différentes voies de transmission, ces différentes chaînes avec lesquelles il t'a ramené est authentique. يقول فإياكم يا أهل الكياسة والفتنة ويا من يطلبون الرشد والهدى ويقصدون اتباع سبيل المؤمنين إياكم وبنيات الطريق فإنها وبئس الطريق. إلى حفظه الله تعالى. Attention, vous doués de raison. Attention à vous les éveillés. Attention à vous qui voulez être bien orienté et être dans la droiture, et qui veulent être dans la voie des croyants, attention aux sentiers battus. Attention aux sentiers battus. Quel mauvais chemin et quelle mauvaise voie sont les sentiers battus. يقول وعليكم بلزوم هذه السنة وترك ما عداها من الآراء والتي تحتها الشعارات الجاهلية والكفرية فلا نجاة ولا عصمة إلا بسلوك سنة محمد صلى الله عليه وسلم. Il dit حفظه الله تعالى, il faut que vous vous cramponniez à cette sunna et que vous délaissiez toutes les opinions qui sont en divergence avec cette sunna. Toutes ces voies qui sont ceux des emblèmes de la période pré-islamique et qui sont ceux des emblèmes de la mécréance, car on serait, pour être sauvé, hein, il faut se cramponner, et pour être dans la protection, il faut se cramponner à la sunna de Mohammed alayhi salam. يقول وبهذا القدر أكتفي وعلى الله ولعل الله ييسر طبع هذه المحاضرة ونشرها فنتوسع أكثر والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلدي حفظه الله تعالى. Et je m'arrête là, et que Allah subhanahu wa ta'ala facilite d'éditer cette conférence pour que je m'étale encore plus sur le sujet, et seul Allah subhanahu wa ta'ala accomplit, et seul Allah subhanahu wa ta'ala guide sur la voie droite. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous montre la vérité comme telle, et qu'il nous fasse que nous suivons la vérité, et qu'il nous montre le faux comme faux, et qu'il fasse que nous évitons le faux et le chemin du faux, et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que le faux ne soit pas déguisé devant nous. Et ainsi nous allons pas nous égarer. Prière et salutations sur le messager, sur sa famille, ses nobles compagnons, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de cette conférence et de ces détails que nous a donné, et ces éclaircissements que nous a donné Cheikh Obaid Habibullah Ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, et qu'il allonge sa vie dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il le guérisse. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum wa jazakumullahu khairan.